Bonjour. Vous êtes à bord d'Idéologie Airline, la compagnie qui vous transporte d'un problème historique à sa résolution théorique, sans escale. Veuillez entendre maintenant le commandant de bord. Quand le prolétariat découvre que sa propre force extériorisée concourt au renforcement permanent de la société capitaliste, non plus seulement sous la forme de son travail, mais aussi sous la forme des syndicats, des partis ou de la puissance étatique qu'il avait constituée pour s'émanciper, il découvre aussi par l'expérience historique concrète qu'il est la classe totalement ennemie de toute extériorisation figée et de toute spécialisation du pouvoir. Il porte la révolution qui ne peut rien laisser à l'extérieur d'elle-même, l'exigence de la domination permanente du présent sur le passé et la critique totale de la séparation. Et c'est cela dont il doit trouver la forme adéquate dans l'action. Aucune amélioration quantitative de sa misère, aucune illusion d'intégration hiérarchique ne sont un remède durable à son insatisfaction. Car le prolétariat ne peut se reconnaître véridiquement dans un tort particulier qu'il aurait subi, ni donc dans la réparation d'un tort particulier, ni d'un grand nombre de ses torts, mais seulement dans le tort absolu d'être rejeté en marge de la vie. Le commandant de bord s'appelle Guy. Guy de bord. Philosophe français de la seconde moitié du XXe siècle, théoricien du dépassement de l'art et de la politique, conçu comme spectacle. Le commandant de bord disait aussi « Les théories sont faites pour mourir dans la guerre du temps. Elles sont comme des unités militaires qu'il faut savoir engager au bon moment. » Nous vous demandons maintenant de boucler vos ceintures. Nous approchons de luttes réelles et d'enjeux immédiats. Listen, I told you to stick to business. Now get up on top and cruise around until it opens up down here. Right, Jeff, don't let them do it. Oh, Jeff, give me one more chance. I think I see a hole. Now, Joe. Yeah, I do see one. Now, Joe, I'm coming down, Jeff. No, don't leave, don't. Joe, now you've got your orders. Stay up there and do as I tell you. Quit worrying about that blonde. It's all right, Jeff. I see the light. I'll make it easy. I'll make it. There he is. Joe, Joe, pull up, pull up. Tu m'entends? Tu m'entends, oui? Non, tu m'entends pas? Tu m'entends? Bonsoir, bonsoir, c'est le journal sans papier. Vous n'avez jamais aussi bien entendu Steve Hoobun, puisqu'on démarre sur les chapeaux de roue avec un générique un peu prolongé et des petits aléas. On démarre le journal sans papier. On est donc le vendredi 13 février et vous écoutez Radio Panique à 19h ce vendredi. Ou alors vous écoutez ce journal sans papier en rediffusion à 9h vendredi prochain. Ou sur Radio Campus encore à 14h30 hein, lundi prochain. Ce soir, je reçois quatre invités. Il y a d'abord Ibrahim qui est là, qui était déjà venu dans une précédente émission. Bonsoir Ibrahim. Bonsoir. Il y a aussi Mohamed Choutari. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Qu'on a déjà aussi entendu dans un précédent journal sans papier. Je reçois aussi Antoine. Bonsoir. Qui lui appartient au CAS, au Comité d'Action et de Soutien. Les sans-papiers, tout à fait. Et je reçois aussi, mais je me souviens plus de ton prénom. Anissa. Anissa, qui est aussi du CAS. Donc. Oui. On va commencer tout de suite par écouter un reportage qui a été enregistré ce matin à la manifestation qui a été faite par les sans-papiers devant le cabinet de Miss Turtlebaum. Ça va, Patrick de Panique? Ça va. Alors c'est... Ah, tu vois l'ambiance? Ça, c'est la manif. C'est la FGTB, c'est ça qui organise? Non, quelle FGTB ici? Il n'y a aucun syndicat qui sont soutenus, qui sont supportés l'organisation de cette manifestation. En fait, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a une réunion avec tous les syndicats, les associations, aujourd'hui à midi. C'est pour ça, malheureusement, on sent l'absence de tous ces gens-là aujourd'hui. Mais on est quand même nombreux là, non? Ce que je voulais dire, c'était justement ça. Ils sont toujours là, mais à deux, à une personne, en représentant des milliards de personnes qui sont syndiquées dans leur syndicat. Et il y a deux, trois personnes qui viennent, quoi. Ça va pas. Merci Alex, à plus. Bonjour, ça va? Ça va bien? On va manifester devant la cabinet de Madame Turtlebaum, la ministre de l'immigration et d'asile, pour essayer de la pousser, hein, pour essayer de régulariser ces gens-là et de la sensibiliser de toute la situation très difficile des sans-papiers. Bah, c'est pour ça qu'on est là, parce que le gouvernement belge ferme ses yeux vis-à-vis à ces gens-là. Et pour le moment, on vit dans une situation insupportable. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On va essayer de la convaincre pour qu'elle, parce que c'est vraiment c'est un problème qui existe. Et pour les problèmes, on doit trouver des solutions. Vous avez déposé des dossiers au cabinet Turtlebaum. Est-ce qu'on est là pour ces dossiers-là ou pour tous les sans-papiers? En fait, nous, on est des sans-papiers. On est pour tous les sans-papiers. Mais si... Mais tous les sans-papiers, ils doivent réagir pour leurs droits, parce que le gouvernement, ils vont dire, on ne représente pas tous les sans-papiers. Mais comme ça, ils vont savoir qu'il y en a une situation très difficile pour tous les sans-papiers. On fait partie des sans-papiers, mais on n'a pas le droit de parler à la place de tous les sans-papiers. Mais quand même, on fait sensibiliser la communauté belge que... Il y a ce problème-là. Mais en tout cas, on est pour tous les sans-papiers. Mais on aimerait bien que tous les sans-papiers existent, qu'ils soient là, manifester avec nous. Comme ça, on aura un poids très fort pour forcer, pour pousser le gouvernement belge de résoudre ce problème d'immigration clandestine. Vous voulez vous présenter? Moi, je m'appelle Rachidi Karim. Ce soir, on fait une émission sur la question de savoir s'il y a une contradiction entre présenter des listes au ministère et se battre pour tous les sans-papiers. Est-ce que tu peux donner ton avis là-dessus? Ouais, donc ça, c'est très important, parce que il n'y aura pas une contradiction dans ça. Ouais. Pour moi, je ne vois pas la contradiction. La contradiction, c'est juste pour démontrer qu'il y a le groupe visible qui est là. C'est ça, la liste. Mais ça ne signifie pas que seulement que défendre tous les... Ça nie à la défense de tous les sans-papiers, quoi. Ça, la lutte, même ceux qui sont fait l'occupation, ils font la lutte pour tous les sans-papiers qui se trouvent en Belgique. La lutte, c'est pour montrer que si ils voient qu'il n'y a pas les sans-papiers, on ne les voit pas, voilà la visibilité, voilà la liste. Donc, et vous savez, donc, il y a l'adresse. Pour déposer la liste, on a donné les adresses là où se trouvent les sans-papiers. Et ça fait 3 mois qu'on est là. Mais si on n'a pas présenté quelque chose, ils peuvent se dire que seulement c'est des chantages et il n'y a pas. C'est pour cela qu'on a formé le groupe là et on a ouvert les occupations. Et c'est la liste des gens. Et ce n'est pas de dire que tous les gens qui sont là sur la liste, c'est sans tous les gens qui sont dans l'occupation. Ce n'est pas tout. Parce que déjà, il y a d'autres aussi qui sont à l'extérieur. Mais ils sont dans la liste et il y a encore d'autres qui sont là. Et ils ne sont même pas sur la liste, mais juste pour qu'on tienne le mouvement jusqu'au bout du bout, pour que le gouvernement revienne à la réalité et applique son droit. Donc dans l'idéal, vous auriez pu déposer une liste où il y avait tous les sans-papiers de Belgique, si tous les sans-papiers de Belgique l'avaient voulu. Oui, donc on a donné juste un nombre de ceux qui sont dans l'occupation. Mais la liste, elle, en tant que telle, la définition de la liste, c'est le nom de tous les sans-papiers qui sont en Belgique. C'est ça qui signifie la liste. Donc, parce que pour nous, ce n'est pas le fait de voir un chiffre déterminé de 1000 personnes ou de 500 personnes qui définit les sans-papiers de Belgique. On lutte pour tous les sans-papiers qui se trouvent en Belgique. Merci Ibrahim. Pourquoi est-ce qu'on est ici ? Est-ce qu'on est ici pour tous les sans-papiers de Belgique, même ceux qui ne sont pas là ? Ou est-ce qu'on est seulement pour ceux qui sont là ? Non, ben moi, c'est ça, parce que avec ça, nous mobilisons à tous les syndicats. Que tu vois qu'il y en a beaucoup d'immigrants qui n'ont pas de papiers. Alors, c'est à toute façon, c'est que nous de mouvons pour tous les sans-papiers, même pas seulement pour nous, c'est pour tous les sans-papiers. Est-ce que vous en connaissez, vous qui ne sont pas ici? Oui, et qui compte sur vous. Oui, oui, parce qu'il y en a beaucoup équatoriens aussi, qu'il y en a en extension, c'est comme c'est illégal, un séjour d'établissement ici, même pas percer en carte. Alors, elle n'est pas là ici, toutes les personnes n'est pas là, tu vois. Mais vous les représentez en quelque sorte. Oui, c'est ça. Okay. C'est tout que nous représentons à tous les sans-papiers, non? Ouais. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez vous présenter? Ah oui, je m'appelle Freddy Yukilema. C'est un équatorien, il y en a de 25 années. Et habite ici 10 années, à la Belge. Alors, c'est ça, merci. Merci beaucoup. Assez de cette société qui fiche les militants et expulse les sans-papiers. Il y en a assez de cette société qui fiche les militants et expulse les sans-papiers. Donc un slogan qui appelle à manifester aussi pour les militants politiques qui sont fichés. Et je rappelle que les gens de l'UDEP que j'ai interrogés sont non seulement des sans-papiers, mais ce sont aussi des militants. Et donc ils sont, disons, doublement impliqués dans la lutte, doublement menacés par les politiques de répression. Donc vous l'aurez compris, c'était un reportage qui a été enregistré ce matin lors d'une manifestation en direction du cabinet Turtelbaum. Et donc la question qu'on voulait poser ce soir, c'était cette question que j'ai essayé de poser à plusieurs manifestants, qui était de savoir comment eux articulaient la revendication d'une régularisation sur base d'un dépôt de dossier et la régularisation de tous les sans-papiers qui est un des points de revendication de l'UDEP et je pense aussi du CAS. C'est pourquoi donc je vous ai invité ce soir pour qu'on discute de ça. On commence par qui veut commencer? Ben pour le CAS, on est dans le système de régularisation pour tous les sans-papiers. Une occupation avec une liste fait partie des sans-papiers d'un tout. C'est pas pour ça qu'on s'occupe que d'une seule occupation. On essaie de s'occuper de tout le monde en essayant d'apporter des solutions, des solutions d'urgence. Voilà, qu'elles soient d'urgence justement et plus à long terme. Mmh. Et donc au niveau du CAS, a priori, on n'est pas pour le système de liste. Mmh. Mais on a remarqué quand même que dans certaines occupations, une liste permet de fixer les gens, de commencer à construire, à créer une base. Mais il y a le problème de ces listes, c'est qu'elles amènent aussi beaucoup de soupçons. Mmh. Mais il faut réussir à articuler ces deux axes, c'est-à-dire l'objectif de la régularisation de tous les sans-papiers. Oui. Mais dans le même temps, les sans-papiers, eux, ils cherchent une solution à leur problème actuel. Ils cherchent justement à pouvoir vivre au jour. Et donc, dans ce sens-là, c'est tout à fait compréhensible qu'il y ait des négociations de chaque occupation ou de plusieurs occupations réunies avec les autorités. D'accord. On peut peut-être rappeler l'histoire un peu du CAS, parce que l'UDEP, on connaît, on a fait pas mal d'émissions pour dire comment ça s'était créé et quel avait été le parcours de l'UDEP. Et le CAS, si j'ai bien compris, donc ça vient d'une première occupation à l'ULB. Voilà, en fait, le CAS s'est créé l'année passée, quand il y a eu une première occupation de sans-papiers sur l'ULB, une occupation qui avait été organisée par l'UDEP. Cette première occupation, donc, c'est une lutte qui a commencé, si je me trompe pas, en avril dernier. Et après plusieurs mois de lutte, différentes formes de lutte, que ce soit des manifestations, il y a aussi eu une grève de la faim. Ces sans-papiers là ont obtenu un permis de 3 mois d'urgence pour cause de leur situation médicale. Mais ce qui au fait ne permet pas de commencer à créer une vie ici, ce qui permet pas ou très difficilement de trouver un boulot. Et maintenant le CAS poursuit son existence avec l'occupation maintenant du hall Omnisport par approximativement 400 sans-papiers, je crois. D'accord. Donc il faut rappeler peut-être pour un auditeur qui débarquerait, disons. La situation en ce moment, c'est qu'un millier de sans-papiers à peu près occupent le hall des sports à l'ULB et le parking B de la VUB à Bruxelles, et aussi des locaux de l'UCL à Louvain-la-Neuve. Donc, quel est ton point de vue, toi, Mohamed, sur cette question? Tous les sans-papiers, c'est clair, pour nous c'est du concret, donc c'est-à-dire il y a pas à lutter pour des abstraits, hein, que tous les sans-papiers ou bien une lutte qui s'inscrit, je sais pas, dans un cadre idéologique, juste ou pas juste. On connaît pas ce que c'est que juste ou pas juste, tout ça c'est relatif. L'essentiel, lorsqu'il y a un groupe de sans-papiers qui veulent se battre, à ce moment-là, on va pas dire que il y a des critères, c'est-à-dire tous les sans-papiers qui veulent se battre et ils sont là les bienvenus. Donc ils occupent et c'est humain, lorsque tu occupes, tu menaces, tu prends des risques, c'est-à-dire il faut savoir que les occupations que nous menons, c'est des occupations sans autorisation, c'est des occupations sauvages entre guillemets, ça veut dire ils sont légitimes par le fait que il y a des politiques qui devaient trouver des solutions par rapport à un problème social qui est durable. Donc on a une couche sociale de plus de 100 000 personnes qui vit d'une manière permanente comme n'importe quelle autre couche sociale, et que ben c'est-à-dire il est maintenu sans droit aucun, à la merci des patrons, l'exploitation à fond, et les politiques ils sont là observés juste aucune solution. Donc on comprend pas qu'il y a un gouvernement qui ne gouverne pas, donc qui trouve pas de solution. Au contraire, c'est-à-dire apparemment ça leur arrange qu'il y ait disons des milliers de personnes, centaines de milliers de personnes qui est maintenues dans ces conditions. Tout ce qu'ils proposent, c'est la menace d'être arrêtés, enfermés et expulsés. Et on sait bien que c'est pas une solution, arrêtés, enfermés, expulsés. Combien ils expulsent par an, ça dépasse pas 8 000 par an sur un total de plus que 100 000. Ça veut dire les 8 000 qu'ils expulsent par an, ça ne vise pas à trouver une solution. Mmh. C'est juste par rapport, puisque le gouvernement, ceux qui gèrent le dossier des sans-papiers, c'est des flamands. Il y a un électorat un peu de droite en flamand pour leur faire plaisir. C'est-à-dire c'est un électorat xénophobe. Alors il faut de temps en temps montrer dans les médias qu'il y a des sans-papiers qu'on est en train d'expulser. Alors c'est des menottes et tout ça, de lier le sans-papier immigré à la criminalité de force, puisque c'est-à-dire qu'on crée un nouveau centre fermé. Il paraît que voilà, donc, Madame Turtelbaum aujourd'hui inaugurait un nouveau centre fermé à Tubize. C'est une information qui n'a pas été confirmée, c'est pas tout à fait un centre fermé en fait. Uh-huh. C'est des nouvelles places, ce qu'ils appellent places d'accueil. C'est des centres plus ou moins, c'est des centres ouverts en fait. Ah d'accord. C'est des appartements en fait pour les familles, mais en fait l'office des étrangers justement met à disposition entre guillemets de ces familles ce qu'ils appellent des coachs, c'est-à-dire des psychologues qui vont essayer de leur laver le cerveau pour qu'ils partent en fait. Les habituer au retour, comme ils disent. Oui. Donc c'est l'essentiel pour nous, c'est la régularité du lutte. Ça veut dire que l'année passée il y avait 5 occupations. Ici à Bruxelles, en total, elle regroupait 6 occupations, elle regroupait quelque chose comme 600 papiers. Ces 600 papiers, et il n'y avait pas de contraintes. Dire celui-là il est bon, celui-là il est bon, c'est tous les 100 papiers qui veulent lutter, ils étaient là. Les autres, puisque c'est 600 sur une totalité de plus que 100 000 personnes, pour nous, c'est une lutte de tous les 100 papiers, parce que tous les catégories de 100 papiers, c'est-à-dire ceux qui étaient dans des procédures, ceux qui n'étaient pas dans les procédures, ceux qui n'ont jamais eu d'avocat, s'ils veulent se battre, ils se battent. Alors, l'année passée, tous ces gens-là, ils ont eu leurs papiers. Et l'essentiel pour nous, c'est cette régularité. Maintenant, cette année, depuis octobre, on a plus que 1400 personnes qui n'ont pas lutté l'année passée. Donc maintenant, ils sont en train de faire leur chemin. Il y en a des milliers d'autres qui sont en train d'écouter. Peut-être qu'ils vont, lorsqu'ils vont entendre qu'il y a un résultat, comme ceux de cette année, ils entendent que l'année passée, il y avait des occupations, ils ont reçu 3 mois, 6 mois, 9 mois. Bien que c'est rien, c'est pas ça le but, mais c'est-à-dire au moins lutter, ça paye quelque chose. C'est-à-dire une situation, c'est mieux qu'une situation. Il faut se mettre dans la peau de la personne qui est sans papier. Il faut pas se mettre dans la peau des chapitres, des syllabes qu'on lit dans des écoles. C'est pas la lutte. Il faut jusqu'au bout. Il faut faire être clair et net. Nous, on travaille avec des gens et c'est les gens qui décident de sort de la moyen qu'ils vont mener leur lutte. Donc c'est dans ce cadre-là que nous voyons la lutte de tous les sans-papiers. Donc notre revendication, c'est la régularisation de toutes les personnes qui sont sans-papiers ici. Et alors on le fait d'une manière pragmatique et réaliste, et c'est les gens eux-mêmes qui portent leur lutte. Peut-être que il y a des personnes qui ont une ancienneté, qui avec le temps ils ont compris un peu le système, la Belgique et tous les rouages et machin, et ils se mettent à leur disposition, ils mettent cette expérience à la disposition. Ils sont aussi nombreux à l'intérieur de ce mouvement, ce qui garde un peu cette régularité et cette manière intelligente aussi de son papier de mener leur lutte en plus. Donc, et oui, c'est vrai, on a dans le chemin, on a croisé l'année passée Cass à l'IUB, mois d'avril. C'était formidable parce qu'après, on avait ensemble organisé un rassemblement devant l'office étranger, on voulait camper, et alors il y a le bourgmestre PS qui a raflé tout le monde, oui. Et finalement il a gardé 12 pour les expulser, et grâce à cette union UDEP-CAS à l'époque, on a pu tous les libérer. Ils n'étaient pas seulement libérés, ils sont sortis avec leurs papiers, avec le soutien de Béguinage et l'ULB à l'époque qui étaient occupés. Donc c'était formidable comme solidarité de naissance et de, voilà. Oui. Ibrahim, tu veux ajouter quelque chose par rapport au, parce qu'on t'a déjà entendu dans le reportage et je savais pas en fait si tu pourrais venir ou pas, donc j'ai gardé ton intervention, mais peut-être que tu as des choses à ajouter par rapport à la question qu'on se pose. Par rapport à la question de la liste, donc moi je ne considère pas que la liste c'est juste pour déterminer un groupe pour mener la lutte. C'est comme je sais que je vous ai dit ce matin. Donc cette liste juste c'est pour montrer la visibilité des gens qui sont déterminés pour poursuivre le mouvement jusqu'au bout. Parce que déjà, ça fait depuis au moment où le gouvernement essaie de faire tous ces chantages que demain il y aura une régularisation, demain il y aura un critère, mais rien n'a été tout à fait engagé jusqu'à présent. Et toujours, on ne fait que des rappels sur ça. Donc, c'est pour cela que les gens-là, les sans-papiers se sont regroupés et avec une ferme volonté pour lutter jusqu'au bout pour qu'on ramène le gouvernement à son droit, quoi. Parce qu'ils attendent. Et si on essaie de faire une liste, c'est pour essayer de voir. Ils ont mis les critères. D'après les rumeurs des critères que nous avons entendus, donc elles demandent sur l'ancrage durable sur les différents points. Oui. Mais si on regarde approfondi dans les groupes de la liste là, on peut trouver toute réponse à toute catégorie de régularisation qu'ils ont proposé. Donc cela veut dire que donc si même ils veulent essayer de voir que parce qu'ils disent que seulement les gens veulent seulement faire la grève de la faim pour gagner les papiers, mais et c'est pas qu'ils veulent faire la grève de la faim, mais c'est parce que c'est les conditions qui les poussent à faire. Oui. Parce que si je mérite une régularisation et je fais partie, j'ai les droits, j'ai tous les critères qui me permettent d'avoir une régularisation, et j'attendais le critère, on me dit attendre un critère qui va sortir demain. C'est jusqu'à désespérer. Oui. Et encore, voilà, mon droit, je vois qu'on a dit que c'est déjà juste se le faire officialiser, mais ça ne passe pas. C'est pour cela qu'on propose que de la liste, pour que si même ils ne sont pas d'accord, ils savent que l'occupation existe. Oui. Et s'ils devraient, et avant qu'ils viennent même, ils peuvent vérifier Juste, on les a mis quelques nombres, le nombre de 2000 personnes qu'on les a données, ça ne veut pas dire que c'est le nombre de tous les sans-papiers qu'ils sont. Mmh. Après, je peux dire que si je n'ai que juste peut-être un dixième de ou bien même ça n'atteint même pas un dixième, un centième même de sans-papiers qui sont en Belgique. Mmh. Et, mais s'ils vérifient, ils vont trouver toute la réponse à leur forme de critères qu'ils ont posés. Parce qu'il y a des familles qui sont là, il y a des gens qui sont là, et ils sont passés dans les mains des autorités qui les ont encadrés, formés, tous avec leur diplôme, avec tout. Donc si on dit que pour le travail, on va trouver pour le travail. Si on dit que sur la durée de vie ici en Belgique, ils vont trouver la réponse dedans. Si on dit qu'encore sur les attaches durables, tout, c'est, je vois, il y a tout, c'est ça. Donc c'est pour cela que je peux quand même essayer de dire que la liste, donc c'est pas qu'on essaye d'être égoïste, que c'est seulement nous qui s'occupons et que ça nous concerne. Non, c'est pour que de la façon qui est maintenant l'évolution des mouvements politiques, on parle seulement des critères et des choses. Et donc, nous aussi, on suit leur stratégie, on leur passe la liste et pour qu'ils voient déjà, ils vont vérifier, voir. On dit que seulement d'autres, tous c'est des clandestins, c'est des n'importe quoi, des sont une classe basse. On n'a même pas une bonne qualification dans la Belgique. Donc, tant que tu es un sans-papier, c'est comme si, entre guillemets, on peut dire même, c'est comme si c'est de l'air qui passe, parce que tu n'es pas visible. Oui. Et l'occupation, ça nous a rendu visible vis-à-vis maintenant. Vous avez vu toutes les actions qu'on a fait avec encore l'ouverture des occupations. Ça motive et ça a été, même si aujourd'hui c'est un peu bas, mais à travers les médias et tout, ça a passé. Donc, ça, c'est pour cela que maintenant, si je vois les actions qu'on a pu faire, les marches et les entretiens avec les, c'est ça qui a fait que même au moment où le nouveau gouvernement l'a pris directement, on pensait qu'il va fermer le dossier pour commencer ses actions, mais il a mis directement encore la parole de sans-papiers encore sans perdre du temps. Ouais. C'est pour cela donc nous on considère que donc il est temps de mener encore la lutte et de les montrer encore qu'on tient et le groupe il est toujours là donc jusqu'à qu'il ramène le gouvernement sur la bonne route quoi. Okay. Ouais, merci. Je dois préciser quand même que si moi j'ai amené cette question sur le tapis ce soir, c'est évidemment avec une certaine arrière-pensée. C'est-à-dire que je pense que effectivement on est à un moment donné où on peut se poser cette question sur un plan stratégique, mais il se trouve que cette question-là, elle est pas neuve. Elle vient en fait de tous les moments où on serait tenté en fait d'idéaliser les sans-papiers et de les charger d'une espèce de fonction. D'une classe révolutionnaire qui serait constamment en lutte et dont la lutte irait au-delà des intérêts personnels. Et dans ce type d'idées, de critiques qu'on peut faire aux sans-papiers, en les chargeant comme ça d'une espèce de mission historique, selon une pensée un peu néo-marxiste, on va dire, il y avait aussi la question de savoir si l'UDEP, par exemple, était une structure vraiment démocratique dans la mesure où elle a des représentants et des choses comme ça. Par rapport à ça, je voudrais qu'on écoute un son que j'ai enregistré et qui montre bien le type de difficultés que vous pouvez rencontrer, il me semble, par rapport à vos choix, justement, d'être une structure relativement égalitaire, horizontale, quoi. On va écouter ça. Donc là, on est devant le siège du MR et en fait, il y a un débat. Il y a un débat entre les sans-papiers parce que on est vraiment au point de jonction entre la culture de la représentativité. Il y a une délégation qui doit rentrer. Le mouvement réformateur attend une délégation de quelques personnes. Et de l'autre côté, il y a des manifestants. L'UDEP qui fonctionne sur l'Union des sans-papiers qui fonctionne sur un modèle démocratique et égalitaire. Et donc il y a des gens qui contestent l'idée qu'il faille envoyer une délégation. Ils veulent pas se laisser imposer ce système de représentativité. Ils voudraient tous rentrer. qui voudraient que plus spontanément, ceux qui veulent rentrer rentrent et forment une délégation. Il y a maintenant comme ça tout le monde non, non. C'est à 13h qu'on rentre. Mais ça sert à rien, la délégation elle est faite. Il faut pas discuter. Mais lui il va entrer, l'autre va entrer. Non, il rentre pas. C'est vous qui voulez la division, c'est pas nous. Mais pourquoi vous rentrez pas avec vous? Non, voilà, c'est vous qui voulez la division, c'est pas nous. Eh, Loès, viejo, ya te digo, una, dos, y tres, y cuatro, ya la dame. Et là, c'est tout. Attends, deux, trois. Mais de où elle va, de où elle va. Una, dos, tres, y cuatro. Voilà, c'est fini. Le reste en bas, la sécurité, faites votre travail. La sécurité, faites votre travail, s'il vous plaît. C'est ma délégation. Ouais, sécurité. Sécurité, s'il vous plaît. Les hommes vont rentrer, c'est pas toi qui vas décider ici. C'est beau, camarade. Ça, c'est une organisation de leaders. C'est une organisation de leaders. Passe là-bas. On est là pour le travail. Calmement. C'est la délégation. Faut pas me dire ça. On est tous ensemble, c'est pas du tout la division. C'est fini. Donc voilà, là le calme est revenu. L'unité revient peu à peu. La crise est passée. Les gens qui contestaient la délégation sont repartis ont réintégré le gros des manifestants. Et la délégation va pouvoir peut-être rentrer. Oui, c'est le type d'événement auquel on assiste, j'imagine qu'ils sont nombreux quoi dans une journée dans les occupations et tout ça, et je crois que c'est normal parce que forcément ça peut pas être comme sur des roulettes, c'est forcément difficile de se représenter quand on est aussi un groupe avec chacun une histoire particulière, avec des origines particulières qui doivent toutes être représentées. Il y a tout un problème dès qu'il s'agit de représenter les gens. Et ça, forcément, il me semble que quand on est dans une lutte face à des partis politiques, surtout en Belgique, où on est vraiment dans ce genre de négociations avec des représentants syndicaux, etc., on est obligé d'aller dans ce sens-là, quoi. Donc je ne sais pas si vous avez des commentaires par rapport à ça. Moi, je trouve que c'était bien animé. Ils sont en train de débattre entre eux. Il y a un esprit critique. Je ne vois pas que c'est un problème de représentativité. C'est un problème de participation, au contraire. Là, puisque c'est comment on fonctionne, c'est lorsqu'il y a un tournant, on appelle l'assemblée générale, il y a un débat, tout le monde peut débattre. Et alors pour prendre une décision, s'il y a divergence dans le débat, s'il y a une orientation, c'est bon, il n'y a pas de vote. S'il y a divergence dans le vote, c'est-à-dire dans le débat, on vote. Et alors dans le vote, il y a que les sans-papiers qui votent. Alors une fois la décision est prise, alors il faut la mettre en œuvre, et la mise en œuvre, elle est ouverte à tous. Donc ceux qui ont l'expérience de faire, et alors qui ont la capacité, la disponibilité de courir, ils courent. Et alors la démarche, elle est participative dans le sens où ils décident ensemble, et puis après ils s'organisent dans l'occupation, en vie communauté. Et ça, lorsqu'on dit qu'on vit une vie communauté, ça veut pas dire que il n'y a pas de tension, c'est inhérent, c'est-à-dire c'est des choses qu'il faut faire avec, et ils font avec, et pas seulement au niveau au niveau des décisions et de la vie communauté, au niveau aussi stratégique et politique. Donc au niveau ils commencent une action sans soutien, sans rien, sans autorisation, ils débarquent sauvagement, donc ils ont toute la commune et les politiques derrière eux. Et alors, c'est-à-dire au niveau des chemins qui vont suivre, c'est un peu aussi de l'improvisation. Donc on est tout le temps dans une labyrinthe, on se cherche. À chaque fois, ils découvrent un chemin, alors ils courent, puis après il y a l'impasse, alors retire, puis menacer des expulsions, ils sont tous expulsables, tout ça. Donc il y a un débat lorsqu'ils ont un rendez-vous avec un parti ou bien un ministère ou bien, c'est-à-dire ils s'organisent à l'avance. Donc il y a l'Assemblée générale, et dans l'Assemblée générale aussi, il y en a qui sont présents, il y en a qui sont pas présents, et puis il y a des groupes, il y a d'autres, hein, et puis après il y en a qui seront tentés de faire coup d'état, mais ça fait partie un peu de l'ambiance. Finalement ils s'entendent tous, et puis lorsque on arrive devant la porte, chacun, donc ça c'est le problème de processus participatif, la représentativité, la démocratie représentative, c'est celle qu'on a vécue il y a 2-3 ans. Avec les autre chose. Avec un représentant national qui est chapeauté et qui est surtout fabriqué par l'associatif, parce que c'est l'associatif, les partis. Ici en Belgique, on est dans une, c'est-à-dire lorsqu'on va à un groupe, on veut le responsable, qui est le représentant. Et lorsque le représentant, le responsable, il est défini, on l'isole et alors on traite avec lui. Mmh. Lorsque les flics, c'est comme ça. Et dans la politique aussi, il un bon parleur. Et puis après, ce bon parleur, il coupe tous ses liens avec les sans-papiers. Alors ceux qui veulent le voir, ils n'ont qu'à allumer la télé, ils vont le voir le soir. Et alors ils passent ses soirées avec. Heureusement, ça se passait aussi. Donc tu vois, ça c'est les dérives de la représentativité. Donc, mmh. Mais là, on est vraiment dans un processus participatif et je trouve que c'était sympa contre eux. Mmh. Ibrahim, t'as un commentaire par rapport à ce son? J'ai oublié de dire que c'était une manifestation du 14 janvier devant le MR. Ouais, j'étais devant, donc c'est ça, c'est évident parce que de toute façon, donc c'est normal parce que là où il y a au moins c'est à peu près une vingtaine de nationalités et tout ça, donc vous savez le mélange de toutes les cultures et toutes les choses, mais malgré tout ça, donc ça c'est juste, je trouve ça normal, ouais. Parce que déjà ça n'empêche pas de penser à l'objectif et à ce qui nous a amené là-bas, quoi, donc. Et c'est comme dans le reportage, vous avez vu, donc, on a essayé de faire comprendre aux gens qui sont venus comme ça à la dernière minute. Ils pensent que ça peut être un peu compliqué d'échanger parce que le jour-là, donc, nous, on a déjà choisi les gens qui vont rentrer. Oui. Mais malheureusement, il y a d'autres qui sont absents. Donc, c'est normal pour qu'on puisse voir qui peut rentrer. Mais entre nous, on peut dire entre guillemets, les responsables qui s'occupent de la représentativité de personnes qui vont être déléguées. Donc, on s'est mis d'accord, quoi, pour faire rentrer d'autres personnes, mais pour les autres occupants, ils disent, ah non, on préfère qu'un tel rentre, ce serait plus mieux, donc. C'est ça qui a fait un peu le débat, mais on a quand même parvenu à les faire expliquer que tout celui qui rentre, c'est pour l'intérêt de tous les sans-papiers, donc on n'a pas besoin de faire discuter ou bien il faut qu'un tel rentre, parce que l'essentiel, on partage le même objectif. Et la personne qui rentre, c'est pour défendre l'intérêt des sans-papiers face à, comment dirais-je, les personnes à rencontrer. Donc, oui. Et c'est ça qui a été réglé. On va finir. Et vous avez entendu, donc on a tous les problèmes réglés. Voilà, on a choisi la délégation et ils se sont rentrés. Oui, non, moi je suis vachement... Oui, je suis impressionné par à chaque fois que je viens manifester avec vous, que j'arrive dans des occupations, dans des situations comme ça, de voir que des problèmes comme l'organisation horizontale ou l'expression de chacun, enfin, sont des problèmes que vous bricolez, je veux dire, ou même effectivement de savoir comment des gens de différentes origines vivent ensemble, etc. C'est des problèmes que vous surmontez de façon comme ça, pratique, alors qu'il y a des gens qui se posent énormément de questions d'un point de vue théorique sur ces questions-là et qui, bien souvent, n'arrivent à rien du tout, quoi. Ouais, ça, c'est important parce que déjà, on sait que déjà, on partage un même objectif. Donc, si vraiment la personne qui est là, elle sait que c'est pour sa lutte des sans-papiers, donc, il y a des choses. On peut même, à n'importe quel débat, on peut s'asseoir maintenant, on peut poser un sujet. Je peux être opposé au sujet, mais si je vois c'est pour l'intérêt des choses, comme ça, on peut trouver une solution là-dessus. Parce que déjà, je sais que si j'ai du mal à comprendre au moins l'espagnol avec les Équatoriens, je sais que s'il y a une personne équatorienne qui est là, donc ça me permet entre nous de se comprendre. À ce temps-là, elle peut quand même bien expliquer. C'est pour cela nous qu'on a un peu essayé de faire la représentativité par chaque groupe ou bien chaque nationalité. Comme ça nous permet un peu d'être plus en contact dans les différents groupes, quoi. Parce que si maintenant moi je parle français et l'autre parle espagnol ou bien arabe ou bien l'autre parle anglais. Donc ça nous permet, si on trouve, c'est comme si au lieu de désigner par langue, mais si on désigne un maghrébien, donc tu vois, facilement, ça nous permet de convaincre et de bien passer les messages de la communauté maghrébienne. Et si c'est dans les communautés équatoriennes, la personne équatorienne peut bien facilement avec l'espagnol, parce que c'est pas tout à fait tout le monde qui peut parler bien français, mais il peut quand même expliquer en détail et pour amener les gens à la compréhension. C'est ça qui diminue toujours, même s'il y a une montée des tensions, ça c'est normal à tout moment, mais on essaye comme ça de calmer ça et ça règle entre nous, quoi. Aussi, il faut voir que... on va peut-être laisser parler aussi nos invités. Non, mais continue. J'allais juste dire qu'il faut voir que ce qui se passe avec la lutte du sans-papier, c'est quelque chose d'inédit. Et que l'autre qui regarde les sans-papiers avec un regard un peu extérieur, il n'a jamais vécu ça. Mmh. Donc c'est quelque chose qui le dépasse. Donc il peut pas comprendre. Donc ce qu'il y a, c'est que il y a, on va peser la hiérarchie des valeurs. Est-ce que celui qui regarde, qui a des références, qui sont sûres et qui juste imagine, ou bien les sans-papiers que face à leur contexte, leur vie, ils émergent. Par exemple, moi, je suis migrant. Je fais pas un effort pour paraître un peu beau, sympa et machin. Je suis agressif et je l'exprime. Maintenant, si vous me dites quelque chose de travers, là, je fonce. Donc, j'ai pas de limite. Vous vivez une situation à l'aise et machin. Vous vous asseyez dans un fauteuil, vous buvez, vous calmez, vous retenez, si vous dire, entre guillemets. Nous, on a un autre contexte, donc on s'exprime d'une autre manière. Et alors, entre nous, on s'entend même parfois des kilomètres, c'est-à-dire un Congolais, et un maghrébin, c'est des kilomètres de distance. Mmh. Mais dans la vie communautaire, on s'approche dans notre agressivité, dans notre joie et dans nos fêtes. Et après, ça s'encode d'une manière diverse, mais ça donne une unité avec cette diversité, une unité nouvelle. Et c'est le Belge qui vient se tenir et il assiste à ça. Et alors, ça dépend de son angle, l'angle à travers lequel il voit, il va dire que c'est agressif, c'est sympa, c'est pas sympa. Donc voilà, c'est un peu tout relatif, ouais, tout ça, quoi. Ouais. Moi, j'ai déjà vu des Belges beaucoup plus violents dans des embouteillages que des sans-papiers enfermés pendant 2 mois dans un gymnase, quoi. Ouais. Oui. Ben oui. Enfin, moi, sur les quelques occupations que j'ai déjà suivies, justement, c'est ça qui m'a marqué. C'est vraiment la vitalité démocratique, et justement le petit exemple que tu as passé dans ton reportage et la façon dont tu le présentes, c'est très intéressant justement, et ça prouve justement que on a peut-être plus à apprendre, sûrement même plus à apprendre de l'organisation des sans-papiers que nous leur donner des conseils. Et ça, dans le cas, c'est quelque chose qu'on a vraiment vu. On a apporté plein d'aides, que ce soit pratique ou même dans des débats politiques et tout, mais on n'a jamais voulu justement faire une espèce d'OPA sur les sans-papiers. Non, les occupations, les occupants ont toujours débattu, organisé des assemblées générales, des discussions tous les jours. Ils élisaient leurs porte-paroles qui pouvaient changer. Et ça, c'était vraiment très, très, très, très intéressant. Et oui, politiquement, je crois qu'on en apprend beaucoup en suivant justement la lutte et l'organisation des sans-papiers. Tu veux ajouter quelque chose? Pas spécialement. Antoine vient de dire tout ce que je comptais dire. Donc, voilà. Bon, malgré tout, j'aimerais quand même qu'on essaie d'en revenir à la question stratégique. Si demain, ou si ce soir, ou si dans les jours qui viennent, le ministère vous répond que effectivement ils ont reçu vos dossiers, et qu'il y en a 10%, mettons, qui correspondent aux critères, et que les autres ne seront pas régularisés. Vous faites quoi? Bah, ça fonctionne toujours. C'est-à-dire, une assemblée générale, on décide. Donc, ce qu'il y a, c'est que ce qui se passe, c'est l'expérience. C'est que, c'est très humain, tout ça. Donc, les gens, ils sont là pour leur papier. Dès qu'il va toucher, c'est-à-dire, il va être invité à la commune pour recevoir un papier, il va courir. Et alors qu'il va recevoir le papier de la commune, on va lui dire, tu dois aller chez l'avocat, chez telle administration, il va commencer à courir. Puis après, on va lui dire, faut que tu trouves un travail, il va courir. Il va continuer à courir. Donc, il va se retrouver tout seul en train de courir dans la société, c'est-à-dire entre CPAS, chômage, s'il a un métier, il va approfondir une formation, donc il va rentrer dans une démarche collective. Nous, en tout cas, UDEP, on se bat avec ceux qui se battent. Donc, entre-temps, il y a 3 ans, il y a beaucoup qui ont reçu leurs papiers, qui sont partis, ils sont en train de faire leur vie. Et c'est humain, il y a personne qui les empêche. Mais entre-temps, il y a d'autres qui viennent pour se battre. Soit ils étaient avec les autres et il est tombé du panier. Alors, il rejoint les autres, alors une nouvelle lutte. Alors nous, on est en c'est ça pour nous tous les sans-papiers, et la régularité de cette lutte-là, c'est-à-dire la visibilité, c'est important. Donc on aide à ce qu'il soit visible et on organise le soutien. Donc ceux qui ont tombé du panier, c'est-à-dire s'ils veulent continuer à lutter, on va lutter, mais généralement il faut pas compter sur ceux qui ont reçu leur papier continuer. En tout cas, il y a personne qui les exige, parce que humainement ça se passe pas comme ça, et l'expérience l'a montré, quoi. Qu'est-ce que tu en penses, Ibrahim? Je vais te le poser, c'est un peu peut-être un peu dur à poser comme question. Je sais pas si on peut se poser la question comme ça, mais admettons si on te donne tes papiers, toi, qu'est-ce que tu vas faire avec le mouvement sans papiers? Donc c'est pas parce que j'ai reçu les papiers, parce que c'est par là que j'ai passé. Ah, donc c'est pas, pour moi ça ne diminue rien, parce que même si aujourd'hui j'aurai mes papiers, donc je sais que il y a d'autres aussi qui en ont besoin, et tant qu'il y a toujours des sans-papiers aussi, j'apporterai mon soutien pour eux, parce que c'est leur lutte, c'est ma lutte. Ma lutte au moment où j'ai lutté, c'est pas moi seul qui avait lutté. Il y a d'autres qui ont des papiers, ils ont lutté à ma place, et jusqu'à moi aussi j'ai réussi. Donc pourquoi pas aussi pour lutter pour les autres, jusqu'à ils aussi puissent, celui qui a sa chance de gagner, il puisse gagner. Et je préfère, moi, si c'est à mon propre avis, je préfère que si j'aurais les gens que j'ai partagé le moment de lutte ensemble, ils gagnent. Mais ensuite, je sais que celui qui est de côté, par exemple celui qui est en ville, lui aussi, il va avoir sa part. Mais je préfère que si ça, je peux les partager, je les partage avec mes compagnons de lutte comme ça, quoi. Comme on a commencé une lutte ensemble, c'est pour la première fois que je suis rentré dans une occupation. J'ai soutenu les gens dans les marches et tout, mais je n'ai pas au moins été dans une occupation. C'est la toute première. Et donc, ça fait dans le 4e mois maintenant, donc, de l'occupation. Mais c'est bien avant l'occupation. Ça, on a fait 2 mois avant même l'occupation pour l'organiser. Donc, je ne vois pas pourquoi. Donc, je peux manquer de soutien pour mes collègues de lutte, quoi. J'espère que toujours ça passe bien, même si on tombe dans le panier. Seulement, c'est comme Mohamed il vient de dire, les préoccupations pour arranger les dossiers, pour être en ordre, quoi, dans le côté administratif, c'est ça au moins ce qui peut nous préoccuper. Mais on continuera avec les autres qui sont là. On va leur donner parce qu'on va les apporter le courage jusqu'à eux aussi. S'il y a la chance de trouver une issue pour eux, comme ça, pour eux aussi de gagner leur part de chance. Oui, oui. J'étais en train de me dire que peut-être qu'il y a un peu un malentendu aussi sur la question sur la revendication de la régularisation de tous les sans-papiers. Parce que on peut entendre ça à beaucoup de degrés, hein. On peut entendre ça comme plus de frontières du tout. On peut entendre ça comme tous les prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Et on peut aussi entendre, nous en avons marre et nous voulons arrêter cette anomalie qui fait que l'administration retient sur un territoire des gens à qui elle ne donne pas de papier pour avoir une existence qui permet une exploitation au niveau du travail, par exemple. Ça peut aussi être une façon de l'entendre. Puis on peut l'entendre aussi de façon beaucoup plus restrictive, j'en sais rien. Je sais pas si ça vous parle, ce que je dis là, ou comment est-ce que vous l'entendez, la régularisation de tous les sans-papiers? Moi c'est simple, c'est-à-dire la régularisation de tous les sans-papiers, ça veut dire que c'est la lutte qui doit continuer, et ça veut dire c'est une question de rapport de force. Donc donc il n'y a pas de rapport de force pour aller exiger que le gouvernement demain doit régulariser. Donc ça, c'est, il n'y a pas, donc ça se voit, il n'y a que des sans-papiers qui luttent. Mmh. On a dans un pays où il y a rien, qui y a les syndicats, de temps en temps ils appellent les travailleurs, ils prennent congé pour aller se balader dans les rues pour leur compte bancaire et pour les lois sociaux et tout ça, mais on voit pas, c'est-à-dire il y a beaucoup de problèmes, mais on voit pas aucun, et les sans-papiers ils s'organisent, ils ne sont pas soutenus. Mmh. C'est-à-dire là même, par exemple, je cite la Ligue des droits de l'homme. On a sollicité son soutien, ils disent qu'ils ont suspendu tout soutien aux mouvements sociaux actuellement. Ben, je trouve ça c'est bizarre. Alors, au moment où ils sont papiers, ils sont en plein, c'est-à-dire, leur moment, il a commencé à Electrabel, il s'est élargi à première université l'ULB, VUB, ils sont à l'UCL, et demain ils vont être à la KEL, après demain ils vont être gants, et c'est sérieux, il y a un élan de solidarité, machin. La Ligue, qui défend un peu le droit de l'homme, il va dire qu'on a suspendu notre soutien. Là maintenant, dire dans ce contexte-là, c'est-à-dire que on va dire la régularisation, on va la traduire par demain, on va la régulariser tous. On peut, ça s'interprète. On travaille dans le cadre de la lutte pour la régularisation de tous les sans-papiers, parce que c'est inacceptable de maintenir des personnes dans cette situation-là. Notre lutte, elle est dans la continuité, dans la régularité. À chaque fois qu'il y a un groupe de sans-papiers qui sont prêts à se battre, là, c'est tous, ils sont bienvenus pour se battre. Il n'y a pas de critère. Tu viens d'arriver, l'autre il a 5 ans, il a 6 ans. Voilà. Donc dans ce cadre-là, donc. On va devoir rendre l'antenne et passer la parole à l'Afrique en un déclic. Je vais quand même vous donner quelques dates dans les quelques minutes qui me restent, quelques dates à retenir. Il y a une fête à la VUB ce samedi pour la Saint-Valentin. Ça s'appelle la Saint-Valentin, évidemment. Donc samedi soir, une fête à la VUB. Il y a une manif devant le centre fermé du 127 bis, je pense, dimanche. C'est organisé par RESF Belgique. Vous pouvez aller sur leur site, voir un peu. Ça vient du fait qu'en fait il y a un déménagement en fait des enfants qui étaient retenus dans le centre fermé à l'intérieur de Zaventem, qui a été déménagé au 127 bis. On n'a pas parlé des centres fermés, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine. Ça fait évidemment partie aussi des revendications qui sont induites en fait par la régularisation de tous les sans-papiers. On parle de ça aussi évidemment. Je peux encore vous dire que le 18 février il y aura une projection à Louvain-la-Neuve à propos d'un film qui s'appelle Sans papier au travail, avec des témoignages et apparemment la présence de représentants de la FGTB, etc., pour un débat. Donc ça, c'est mercredi 18 février à Louvain-la-Neuve à 19h. Je vais terminer sur cette magnifique citation de Monsieur Besson, ministre de l'immigration français, dont on a parlé la semaine dernière. Il a fait une petite déclaration à la presse, il était en route pour l'Angleterre, et on lui a demandé ce qu'il pensait de la crise mondiale, et il a dit: je trouve cette période très excitante, la politique, c'est excitant quand c'est dur. Voilà. Je vous laisse méditer sur cette phrase, et ce qu'elle doit signifier du point de vue de la politique de l'immigration en France, par exemple. Merci beaucoup d'avoir été avec eux. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. À la prochaine. Je veux aller plus loin. Je veux absolument doter les préfets de nouveaux outils pour lutter contre les filières clandestines. Demain, je vais signer symboliquement en préfecture de police une circulaire par laquelle nous allons donner au préfet, préfet de Paris, préfet départementaux, la possibilité d'accorder des titres de séjour provisoires et qui peuvent être ensuite renouvelés aux clandestins victimes de filières clandestines qui décideraient de coopérer avec la police et donc, pour parler clairement, de dénoncer ces filières clandestines. C'est de la folie, ça. Pourquoi c'est de la folie? Mais vous demandez à des sans-papiers clandestins de dénoncer les pasteurs pour être plus vite régularisés. Et en quoi et ça vous choque? Et vous demandez de coopérer, de collaborer avec la police? C'est-à-dire qu'on récompensera les collabos? Non, on récompensera, entre guillemets, d'abord on récompensera pas, on démantèlera les filières. L'objectif premier, c'est celui-là. Deuxièmement, mettez-vous à la place aujourd'hui d'un clandestin totalement exploité. Ça arrive chez des particuliers. Absolument. Ça arrive dans la prostitution, ça arrive dans un certain nombre de petites entreprises. Mais Eric Besson, pardon, vous imaginez que les victimes de ces réseaux qui n'ont aucun titre de séjour aller dans les commissariats, ils vont se livrer eux-mêmes. Avec le système que nous mettons en place, ils savent que s'ils dénoncent celles et ceux qui les ont mis dans cette situation, ils peuvent obtenir instantanément un titre de séjour provisoire et coopérer effectivement avec la police. Beaucoup vont être choqués, vont dire que c'est inqualifiable parce que c'est une question de principe. Les Français connaissent leur histoire, ils ont de la mémoire. Comment ils vont accepter cette prime donnée à la délation? La question de principe, et peut-être que je le mettrai sur la place publique dans quelques jours, c'est de voir ce que sont les conditions d'esclavage moderne dans lesquelles se retrouvent un certain nombre de clandestins qui vivent dans des sous-sols sans même voir le jour pendant des mois et des années. C'est ça. Pour une fois, voilà quelque chose qui est de la vie de tous les spécialistes à travers tout le monde. Et la première chose du monde, indiscutable, encore plus indiscutable que le pape. Quand le prolétariat découvre que sa propre force extériorisée concourt au renforcement permanent de la société capitaliste, non plus seulement sous la forme de son travail, mais aussi sous la forme des syndicats, des partis, de la puissance étatique qu'il avait constituée pour s'émanciper, il découvre aussi par l'expérience historique concrète qu'il est la classe totalement ennemie de toute extériorisation figée et de toute spécialisation du pouvoir. Il porte la révolution qui ne peut rien laisser à l'extérieur d'elle-même, l'exigence de la domination permanente du présent sur le passé et la critique totale de la séparation. Et c'est cela dont il doit trouver la forme adéquate dans l'action. Aucune amélioration quantitative de sa misère, aucune illusion d'intégration hiérarchique ne sont un remède durable à son insatisfaction. Car le prolétariat ne peut se reconnaître véridiquement dans un tort particulier qu'il aurait subi, ni donc dans la réparation d'un tort particulier, ni d'un grand nombre de ses torts, mais seulement dans le tort absolu d'être rejeté en marge de la vie. Le Vendée, on a besoin beaucoup de Belges parce que nous, notre souci, d'avoir beaucoup de Belges à côté de nous, comme vous, parce qu'il y a des gens qui sont capables d'ajouter un plus à la Belgique. C'est pour ça que nous sommes là, pour ajouter un plus, pas pour détruire la Belgique, mais pour ajouter un plus. Et c'est ça, je demande aux Belges de venir nous soutenir. Oh là là, Madame Tantalboum, on est toujours là. Oh lélé, oh là là, Madame Tantalboum, on est toujours là. Et la non-intégration d'un certain nombre de citoyens en Belgique fait partie du problème belge. Oui, mais ce n'est pas tout à fait un grand problème parce que tu sais, dans la société, il y a toujours des classes. Hein. Il y a une classe riche, il y a une classe moyenne et il y a une classe pauvre. Oui, mais vous êtes à l'avant-garde du traitement qui est réservé aux pauvres. Parce que c'est sur vous qu'on expérimente la précarisation, le travail à très bas salaire, le licenciement abusif, etc. Mais c'est ça, tout à fait. Je voulais dire et je voulais interpeller tout le monde politique. Ils ont besoin de ces faibles-là, nous les faibles. Ils ont besoin de nous. S'il n'y a pas de faibles, il ne peut rien faire. Il n'y a pas de forts. Voilà.